60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Show radio classable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui accro tout comme vous. Ça vous présentement 70%. Bonne écoute. On est en train de parler cinéma à 70% avec mes invités Bernard et Philippe qui ont été participants à la Calique. Est-ce que vous aviez un nom d'équipe? Oui, on était les nous-mêmes pourris. Les nous-mêmes pourris. Oui. Bernard, on discutait justement, il a comme but, et c'est pas facile, de devenir un mauvais cinéaste. Oui, effectivement, parce que cette année, j'ai écouté L'Informante, j'ai écouté Les Gémeaux. Alors, le plus mauvais film de l'année, il a ramassé 3 millions au box-office, 1 million de profits. Et celui qui a raflé tous les prix, c'est 30 000 $ au box-office. Fait que moi, j'aimerais mieux être reconnu par le public que par les juges. Et je sais pas si ça va réussir par le public, mais par les juges, c'est déjà bien parti. Ça va bien, ça va bien. Et donc, on est très content de les avoir avec nous. C'est qu'à la Calique, le but, ceux qui sont au courant, c'était de projeter des clips et d'essayer de gagner les étapes et tout. Et eux, ils se sont forcés sur le montage. Et ils se sont fait sortir en première ronde parce que, voilà, c'est ça, la vie, c'est cruel, hein? C'est cruel. Ah, j'étais c'est déprimé. Fait chier. Fait que là, ils étaient déprimés. Puis je leur ai dit, ben non, les gars, vous avez pas fait ça pour rien. Vous viendrez à TV. Ben oui, j'ai voté pour vous autres, en plus. En plus. Non, ouais. Oh, jamais. Ouais, j'ai la même coupe que Jean Charest. Mais en bon! En fait, tout dire, Tommy, après le break, il y avait des fumants, je suis allé dans un coin, je suis allé m'accoter. J'étais fatigué, je me suis accoté sur le bord de la rampe d'escalier, tout seul, en me demandant est-ce que j'abandonne ma carrière de cinéma. Et quand je suis rentré dans la salle, Tommy lui-même m'a invité à son émission. Alors peut-être que tu as changé ma carrière, les et gens voilà. vont te le reprocher dans 30 ans. La relève est de retour, Colin. Ben sinon, oui, vous avez reconnu, on est à 70%. On est en discussion animée ici avec nos invités, mais j'ai la joie de vous confirmer que Mathieu Boudreau has entered the building. Le plancha comme descendu, on l'a senti. On a bien sûr Giz qui va nous parler d'une grosse nouveauté attendue de Nintendo aujourd'hui. Et on a la suite des aventures de Aaron Gallagher dans l'espace avec Emmanuel Côté-Séguin. Ça va faire un 70% de qualité qui va être ponctué d'ailleurs des clips de nos amis ici. Cinéaste, depuis combien de temps? Tu me disais que c'est toi qui as passé la passion à Philippe tantôt. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai commencé il y a une trentaine d'années. J'ai fait 3-4 films, j'ai arrêté. Puis depuis 3 ans, j'en fais d'une manière beaucoup plus régulière. Est-ce que pour toi, YouTube ou je te dirais les nouvelles manières modernes de diffusion, est-ce que c'est... Oui, c'est effectivement ce qui m'a remis à faire des... J'ai fait des petits clips bien niaiseux. J'ai mis ça de voyage, j'ai mis ça sur YouTube. J'ai eu 40 000 visionnements. Ah, oh, ça prestige. Ensuite, j'ai fait des films sur lesquels j'ai mis des centaines d'heures et j'ai eu une bonne vingtaine de visionnements. Une bonne vingtaine! Une leçon de vie. Et c'est donc à partir de là que ta passion pour devenir un cinéaste du médiocre... C'est qu'après YouTube, je suis rentré dans des groupes qui s'appellent Kino, puis maintenant je suis dans 4 groupes de création vidéo. Ah boy, bravo ça! Et puis c'est là que tu as rencontré Phil. Ah, tu l'as connu où, toi? Non, c'est connu au Kino Rive-Sud. Tu sais, c'est plus proche. Ah, ça a l'air... Je suis allé au Kino Rive-Sud, puis j'ai connu Bernard, puis on a continué à jaser, on a continué à faire connaissance. Fait que, puis il m'a parlé du projet d'aller présenter des vidéos. Fait que, dans une compétition en plus. En plein ça. On espère vous revoir, là, vous amènerez encore de ce qu'il puis faut. Moi, j'ai eu bien ça monter, fait que Philippe monte. Ça revient complètement différent de ce que je pensais, mais il passe les nez là-dessus, fait que je préfère dormir pendant que lui. Je dors pas. Et voilà. Ouais, le montage, c'est tout le temps compliqué. Hein? On rappelle à tout le monde que c'est le monteur qui décide d'un rythme d'un film. Ouais. Et souvent, le rythme, c'est la chose la plus importante. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Absolument pas. Toi? J'ai déjà joué. Là, t'as abandonné tes valeurs du passé. Pourquoi? C'est quoi tu fais à cette heure à la place avec ton argent et ton temps de collectionner des affaires qui fait peur aux filles? Je raconte des filles. Oh yeah, he scores! Ben, peut-être tu peux nous parler du premier clip qu'on va écouter. Oui, dans c'est cette ça. Donc, j'aimerais parler de la manière dont je conçois les clips. Je commence par avoir des idées. Et la première chose que je fais, c'est que je me fixe un budget. OK. Habituellement, c'est entre 80 et 160 millions de dollars. 80 et 160 millions. Non, 80, non, quand je le réfléchis. Okay, okay. Okay. Mais ensuite, je fais des petites modifications. À place de prendre Tom Cruise, je prends Philippe. À place de prendre Harrison Ford, c'est moi. À place de prendre un tigre vrai dans la jungle, je trouve une manière de... Il va gagner tout toi, non? De faire. Alors, c'est pour ça que peut-être mes clips sont un petit peu douteux. Et mon premier clip, c'est un spécial aventure. Et voilà, on va les revoir dans l'émission. Ils vont venir nous présenter encore d'autres de leurs créations qui sont passées à la calique qu'on a faite au mois d'août dernier. Qui était supposé passer. Là-dessus, ben, restez avec nous, c'est 70%. Merci à nos invités. Salut à tous les amis au brouhaha. Chris, qu'on est en HD. Vas-y, Giz, parle le clip! Attends, j'ai acheté sur eBay, puis le gars, il a une cote de 99%. Andy, le parchemin, ou sinon je la tue! Oh non! Là, vous me promenez par les sentiments. Je suis pas capable de voir souffrir une faible femme. Oh! Ce fut un combat terrifiant! Avec mes coups les plus terribles, la savate japonaise, le crochet du boucher et l'uppercut du capitaine Haddock. Mais, malgré mes efforts, le tigre de 1000 kilos me plaqua au sol et à me dévorer lorsque je me mis à lui parler le langage des tigres. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ils ouvrent le feu! Combien vous appelle? Salut, Lunch! Ici Kraha, commandant du Morphia! Jean-Pierre Picard de l'entreprise, c'est quoi votre problème? Un manque d'affection pendant votre jeunesse? Témoigne, méchant du film! M'a te faire souffrir! Manger de la merde! Feu! Il y a autant, je sais pas! Salut Giz! Hey, salut Tommy! Qu'est-ce qui se passe de bon? Hey, écoute, je suis tout excité. C'est le lancement cette semaine de Pokémon XY. Ben oui, toi, ça brasse en sapristi. Ben oui. Avec la 2DS, ça aussi, là. Ben oui, Nintendo qui sort une console pour fitter avec un jeu. Ça, c'est vraiment du marketing agressif. Ça, c'est bon. Fait qu'étant donné que c'est une console d'aujourd'hui et que ça me tente pas d'en parler, on va parler d'autres choses. Fait qu'aujourd'hui, Tommy, étant donné que Pokémon, c'est l'enfance de plusieurs personnes qui nous écoutent probablement, mais pas la nôtre parce qu'on est un petit peu vieux, mais moi j'ai joué, mais c'est un plaisir coupable, j'ai décidé de scraper votre enfance autrement. Fait qu'aujourd'hui, on va jouer à Zelda A Link to the Past et on va le finir en moins de 5 minutes à partir du moment où on appuie sur Power sur la console. Tabarouette! Tabarnak. Fait que vous vous souvenez tout le temps, tu sais, tout le temps qu'on a passé à finir ce maudit jeu-là. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais Nintendo Power, Puis j'avais fini le jeu, puis j'avais pris des photos. Mais tu sais, prendre des photos dans les années 90, là, début 90, pas comme aujourd'hui. Là. C'est pas que le iPhone que papa t'a payé à 14 ans. Là. Non. Non, non, non. C'est tu vas prendre une caméra, tu t'achètes un film, tu prends des photos, tu sais pas de quoi ça a l'air, tu essaies de le placer parce que tu photographies une TV. Fait que là, t'as un gros flash qui apparaît dans le milieu. Tu vas chez Jean Coutu les porter parce que ça coûte moins cher. Écoute, non, et ça prend 24 heures c'est à peu près avant qu'il te fasse la chose. Et... C'est ma deuxième plus grosse aventure d'enfance après le carrousel de chez McDo. Collectionner. Fait que là, t'es prêt, on commence ça, là? Allez, on y va. Fait 5 minutes top chrono, maintenant. C'est quand même assez impressionnant, ouais, ça. Fait que Tommy, je vais m'approcher de toi. Ben oui, oui, viens-t'en, viens. Fais comme chez vous. Alors voilà, c'est parti, le générique de début. Parce que c'est important, quand on fait une speedrun, de montrer que c'est vraiment nous qui a fait. Alors voilà, donc je m'appelle Giz, donc j'ai écrit mon nom pour montrer que j'ai pas été chercher ça comme un loser sur les internets. Alors voilà, c'est parti. Tu nous as glitché ça maison, man. Ben écoute, j'ai fait glitcher ma propre console que mes parents m'avaient acheté avec leur argent. Donc, tu me juges? Non, non, ben non. Je me souviens que tu te débrouilles avec tes affaires. On est souvent dans la jeunesse, d'ailleurs. Mais bon. Tu vois qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Ben oui. Je t'habille en Pokémon en 30 secondes. Maudite belle casquette. T'es bien en Pokémon en HD. Oui, en H, la pointue H, Ketchum HD. Hey, ça fait déjà presque une minute et puis t'as pas eu le contrôle de rien encore. Mais c'est la preuve que c'est quand même assez rapide. Donc voilà, on sort de la maison, on va rejoindre notre oncle qui s'est fait trucider, évidemment, pour aller lui prendre son épée. Donc l'idée pour finir le jeu en moins de 5 minutes est d'aller immédiatement au château. Quand on le sait, ça va bien, on contourne, on monte vers le château. Si t'es capable de te rendre assez vite, t'entends pas le... La fille, il y a quelqu'un qui te dit tu dois aller à telle place. Wow, ouais, d'accord. Mais là, tu le fais assez vite, là t'auras pas l'avertissement. Donc voilà le fameux buisson louche que c'est clairement identifié que c'est lui. Donc on arrive et voilà, notre oncle souffre. Oh, Giz, blablabla, bla, c'est ça. Donc on est content, notre oncle est mort, mais c'est pas grave, on a une épée. Donc voilà. Mais non, mais es-tu content? Heureusement, Link ne parle jamais dans aucun des jeux, sauf à CDI, ça compte pas. C'est un petit peu comme Mario là, qui fait wouhou! Ben déjà, c'est des sons. Link, il fait même pas de son. Link, fait rien. Mais des fois, on sait qu'il aimait. T'sais, le monde, ils disent ah, tu t'appelles Link, genre, ou tu sais, mais on l'entend jamais parler. Il doit avoir un batch I am Link. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'en vas dans là? On s'en va dans le château, mais là, faut contourner les ennemis sans se faire toucher, sinon le glitch ne fonctionnera pas. Oh! Ouais. Donc, on doit monter ici et se jeter dans le vide en appuyant Select pendant qu'on est dans les airs. Donc, Select et on save and quit pendant qu'on est dans les airs. On revient au début du jeu. Et maintenant, on va reloader notre partie. Et là, j'appuyais sur Start comme un malade. Ah ouais, tu ça a coûté cher, ça, animer ça en 3D. Ils voulaient nous le montrer, tu sais. Alors c'est voilà. Bon jeu, pareil. Hey, et c'est parti. Donc maintenant, on avait sauvé pendant qu'on était dans les airs. Donc il y a comme un glitch qui est en suspens à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, on va retourner. Encore très important, faut pas se faire toucher par personne, sinon ça fonctionnera pas. Donc on doit contourner les gardes qui ont une intelligence artificielle hallucinante. Ah, c'est dément, là. T'as pas vu, lui. T'sais, les Stormtroopers à côté de ça, c'est des dieux, là. Ouais. Donc, on retourne environ au même endroit. Et voilà. On s'en va dans la porte en haut à gauche. Et maintenant, on essaie d'attirer l'attention du garde. Si vous êtes meilleur que moi, vous devriez déjà l'avoir eu, mais moi, je l'ai pas. Allô? OK, il y a moyen de faire plus rapide, là. Allô? Allô? Salut? Allô? Vas-y, garde. Allô? OK. Oh. Bon. Fait que là, il faut se mettre à égalité avec la rampe et tourner vers la gauche jusqu'à temps qu'on se fasse frapper. Et là, à cause du glitch, on vient d'apparaître entre les murs. Oh! Donc, faut faire attention, faut être un petit peu à gauche, sinon on va retomber en bas pour pouvoir recommencer. Donc, on monte. Et là, on va arriver. Man, c'est pas sain, là. Et là, on va se voir un peu, on voit Link qui dépasse un peu en bas. Ouais. Là, si vous allez trop loin vers la droite, comme j'ai fait, on arrive dans une chambre noire, mais c'est pas grave, on revient à gauche, puis on va être encore entre deux murs. Fait que là, on monte. Alors, on monte. Et on continue, on arrive dans une chambre, tout va bien, une chambre vide qui devait servir à des tests. C'est tellement il y a aucun moyen d'arriver là. On est en train de violer un jeu de notre enfance. Oui, mais oui. Il peut même pas se défendre. Là, il est rendu avec des barres mauves. Écoute, c'est des stages qui ont dû servir ou laisser faire en bêta test. On le sait même pas. Donc, on continue. Oups, ça me dit quelque chose. On arrive comme dans la musique de Ganon. Et là, étrangement, on va voir Ganon. Et voilà. On a terminé le jeu. Non! Donc, le jeu que vous avez passé des dizaines d'heures à essayer de battre vient de se faire violer en 5 minutes. Ça me rappelle vraiment un des skits de College Humor, là, Mario qui a pris les flûtes là, pour se rendre à la fin. Ouais, toutes les joies qu'on aurait pu avoir avec ce jeu-là, comme avoir une tête de lapin rose, comme aller dans le monde dans le monde noir, utiliser des flûtes. Ouais. Écoute, les... Il n'y en a plus. J'ai l'autre qui... Merci beaucoup, Guiz. C'était le moment nostalgique de mon enfance. Ah, c'était quand même de toute beauté, ça. Y a rien à redire. Fait que t'as pogné ça où, le costume? C'est quand même assez hot. Hein? Ben, c'est une de mes amies qui fait des costumes pour quand je fais des vidéos sur ma chaîne Guiz DP. Okay. Puis là, je voulais profiter du fait que les Pokémon sortent pour faire quelque chose cette semaine. En l'honneur des Pokémon. On s'en reparle jeudi. Oh! Ben, merci beaucoup, Guiz. Hey, merci, Tommy. On s'en va écouter une découverte que j'ai faite ces derniers jours. Il s'appelle Danny, le gars. Il fait goodbye. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Puis on revient à 70% pour nos amis Bernard et Phil encore. Goodbye. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Now I need some changes in my life. Now I need to move on in life. Now it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. I'm thinking deeply right now. My life with you, it's like how, I don't know how to explain this, I don't know why it's happening to me, but I just realize I'm not the person I used to be. Now I just wanna leave this city, this bullshit is not gonna happen again. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Life is short, life is short. Don't waste time worrying about me. All of the ones that care for you, in the end, they will be there for you. One day, I'll make it top of the world. Our memories will be swirled, and I'm all torn away. This is a sign of goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Lorsqu'on me demande pourquoi je soutiens Amnesty avec tant de faveur, je réponds en général que ce qui me plaît dans cette organisation, c'est qu'elle se concentre sur l'individu. C'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Bernard, Phil, on est de retour. Tu voulais dire quelque chose, Bernard? Oui, c'est ça. Je me sens un petit peu coupable parce qu'il y a une chose que j'ai pas eu le temps de dire. C'est que dans mes clips, pour avoir une chance de gagner le point, je suis allé chercher aussi le clip d'un ami qui s'appelle Stéphane Michon, qui est président de notre club. Alors, si il y a des gens qui ont aimé Star Trek, moi, personnellement, je trouve que c'est un chef-d'œuvre qui a été fait il y a 20 ans avec un Commodore 64. C'est un film de 45 minutes qu'on peut voir sur YouTube. C'est sur YouTube, Mitch TV. Si ont des gens qui ont aimé mes petits bouts qui veulent voir le reste, ben c'est sur Vimeo, Bernard Allé. Je vais laisser Philippe présenter le deuxième montage. Oui, et voilà, merci beaucoup, Bernard. C'est même pour dire David Stéphane Michon, tout le monde le connaît. Il est maudit. Maudit. Celui-là, quand j'ai déjà vu qu'il était maudit sur YouTube, c'est ça dit quelque chose. Oui, oui, oui. Fallait qu'il pète la coche sur le gouvernement. Je sais pas quoi dire. Vive le gouvernement. Juste à boire la boîte. Bon, ben, let's go. OK. Présente de sécurité. Oui, j'ai fait un vidéoclip, puis... Je sais pas si vous vous souvenez, peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus vieux, un petit peu, la pub de Astor. Astor le robot, je peux me replacer le bras. Oui! Oh, Guiz, ça se vient! Oui, oui! On a beau se pratiquer, on n'est pas encore capable de faire comme lui. Ça cette pub-là, étant jeune. Je suis comme un orgasme de mais jeunesse. Mais si on voit ton clip, ça n'a pas traumatisé tout le monde. Non, c'est ça. Mais puis après ça, il y en a d'autres qui n'ont pas suivi ces instructions, qui se sont pétés à gueule. Fait que je suis allé chercher une compilation d'un paquet de pétages de gueule sur Facebook, soyons sur YouTube. Et voilà. Une gang de caves qui se pètent la gueule et qui sont pas sécurisés. On est à 70%. Merci. Un robot. Moi, je peux remettre mon bras, vous pas. Jouez prudemment. Diagnon. Here we go. Done. Oh. Vas-y, vas-y, vas-y. Vincent, mais né en 1970, il a toujours dit qu'il mourrait jeune d'une mort violente. Hope it didn't go. Thank you. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Bon. T'as l'air introspectant? Oh oui, ben, t'as pas tort de dire ça. Cette semaine, ça va pas super bien. Hein? On dirait que c'est plus comme avant. Tu sais, avant, je pouvais passer des heures là, à péter des coches puis à me battre là, pour des affaires qui, à l'époque, là, ça en valait la peine, tu sais. Ben, tu sais, t'es jeune, t'es fringant, là, t'as pas peur d'aller au bat, hein? Bon, oui, je comprends. Là, cette semaine, je me sentais plus comme un vétéran, Tommy, tu sais. J'avais mal partout, je savais pas trop pourquoi je m'étais battu, tu sais. Peut-être un manque d'attention, tu sais, un manque d'attention générale envers la vie, tu sais. Bon, certains diraient que les coups que j'ai mangés durant mon enfance n'ont pas aidé l'autodestruction, hein? Mais moi, je parlerais plus comme d'adaptation au réel, hein? Tu sais, c'est comme ça, tu sais. Qui suis-je, moi, pour dire les mêmes affaires que les autres, mais dans des mots différents, Tommy? Je me souviens une fois, ma blonde avait oublié d'acheter de la crème à café, tu sais, puis... Ben, je le sais, là, qu'elle avait pas fait exprès, tu sais, elle était pressée, puis c'était pas facile dans le temps de tout faire du seul, tu sais. Je passais mes grandes journées à t'inquiéter de la bière puis à me battre avec des ivrognes, tu sais. Je n'étais pas disponible, tu sais. Fait que j'avais fait ça un peu fort, puis tu sais, une femme en phase terminale, ça a moins de shield, on dirait, tu sais. Ben, ce qui fait que j'ai anéanti sa defense, man. Je suis rentré dans le tas. C'était épouvantable, t'sais. Aujourd'hui, c'est sûr, je le regrette un peu. Tu sais, cette femme-là faisait tellement bien à manger, là. Les vraies valeurs. Mais t'apprends, tu sais. T'apprends parce que tu te dis, la prochaine, mais au moins essayer d'y faire changer son testament, tu sais. Non, c'est vrai, tu sais, parce que... Tu sais, quand t'enlèves une vie, Tommy, il faut que ça rapporte, hein. Idéalement. Mon père, il disait, un bébé naissant, ça vaut 17 432 $. À l'époque, là. Il disait, imagine à l'âge adulte, tu sais. Ah, puis il avait raison, man. Ah. Combien de contrats faciles, là? Imagine, là, je vous dis n'importe quoi, là, un pauvre scientifique là, qui vient de trouver un truc, là, une affaire importante qu'il veut distribuer gratis, là. Puis que là, moi, je me fais tester, là. Je me fais texter pour le réguler, Tommy. Hein? Combien de fois ça peut arriver, là? Ben ça, c'est autour du salaire d'un Sidney Crosby, d'un Ovechkin ou d'une Meryl Streep, ça. Non, mais c'est vrai, là. Hey, si tu veux Meryl Streep sur ton show, mon gars, va falloir t'allonger le blé en tabarnak, hein? Ben, c'est sûr, c'est sûr. Tu vas peinturer la couleur qu'elle veut partout ses murs puis dans ta face, puis jamais tu vas penser à y bouffer à la plotte, hein? C'est vrai. Ça s'appelle du respect, ça, Tommy. C'est ça, le respect, ouais. T'oserais jamais souiller. Hey, l'as-tu déjà vu jouer, cette femme-là? Kramer vs. Kramer en 79, hein? The Bridges of Madison County en 92. Cette femme-là, elle est 17 fois oscarisée. Bon, c'est sûr, là, les Oscars étaient pas là pour les 101 Dalmatiens, hein? Sabot de les classiques. Puis je le sais pertinemment, Tommy, que c'est pas Meryl Streep qui joue dans les 101 Dalmatiens. C'est Glenn Close. Mais tu sais, Glenn Close, Meryl Streep, c'est un peu la même affaire, là. Elles passent leur temps à brailler. Glenn Close, c'est comme Meryl Streep, cheveux noirs, pas d'Oscar, tiens, je l'ai dit. Anyway, hein? Non, mais tu le sais, c'est pas le sujet. Non, non, c'est ça. Mon fils arrête pas de me le dire, hein? Papa, le docteur Wu, te l'a dit. Quand t'es en période de dépression, ton cerveau, il envoie des ondes négatives dedans ta tête. Là, tu te fais une carapace. Arrête de capoter. T'es pas un Dalek. Arrête de capoter. On parle quand même de Meryl Streep. L'actrice la plus overrated des braillards d'Hollywood. Pis c'est là que tu fesses dedans, t'sais. Big, bang, big. Mais, tu connais mon fils? Il est entraîné. Il a dodgé, là. T'es un vrai ninja, t'sais. Fait que là, il évite mes uppercuts dévastateurs pis ma droite dévastatrice, t'sais. Pis là, en deux coups, il me dit, mais papa, Meryl Streep, t'as connais pas. Fair enough. Mais c'est pas le but non plus. Ça va pas bien, non, mais ça va pas bien, regarde, c'est n'importe quoi. Tu sais, il me semble qu'avant, hein, je serais juste allé à boire, j'aurais crissé mon poing sur la gueule, pis ça aurait été fini, tu sais. Ben pour moi, là, si après ça, elle veut me poursuivre, hein. Tu sais, mais... Ça serait pas ta première fois. Ben, mettons que la prison, c'est chez vous, tu sais. Ouais. Mais vraiment chez vous, là. Genre, t'as acheté le terrain, puis, tu sais. Quand t'es chez vous, t'as les clés, mettons. Meryl, tu vas avoir moins de likes sur ton sur tes statuts Facebook. Je te le dis. Moins de likes. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Meryl. Regarde, encore. Je suis là, puis tout de suite, je prime. L'intimidation, ouais, ouais. Ce n'est pas non plus le sujet, Tommy. C'est vrai. Mon fils, il a raison, hein? Tant qu'à péter une coche sur quelque chose, aussi bien trouver quelque chose, tu sais, comme de plus vivant, tu sais, de moins, tu sais, rien. Le sport, j'ai pensé. Du pain et des jeux, bon, c'est ordinaire, tu sais. Ouais, ouais. La politique, bon. Ouais. Les pantins de l'entreprise privée. T'sais. L'entreprise privée, les pantins des banquiers, tu sais. Les banquiers, ben, tu sais. Ce serait comme un peu craché dans la main de celui qui m'a tout appris, tu sais. Ça fait longtemps qu'ils jouent au Monopoly, eux autres. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que n'importe où ce que tu creuses, tu trouves rien d'autre que de la merde morte, tu sais. Comment tu veux, Tommy, que je sois intéressé plus d'une minute à quoi que ce soit? Ben, certains se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait retrouver un endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme au sans nom et on dit qu'il éclaire à des milles à la ronde. Me semble c'est clair! Tu parles du nouveau stade à Québec, ça? Ou? Non, je dis que Jean Leloup, il avait raison. OK. Cette semaine, j'ai eu l'impression... On n'entend pas ça souvent, Jean Leloup avait raison. Là. Non, j'ai... non, on n'entend pas ben. Non. Il est 1h15. Les métros sont fermés. Puis là, j'ai l'autre à côté de moi qui dit « Ah, à quelle heure les métros, ils ferment? » Il a raison, Jean Leloup. Il a raison! C'est... Non, mais c'est vrai, tu sais. Ah, cette semaine, j'ai eu l'impression de vieillir, là, parce que je me souvenais du bon vieux temps, hein? Mes bons coups, mais aussi les moins bons. T'sais. Bien honnêtement, hein, je n'ai jamais voulu tuer pour autre chose que l'argent. Ça, c'est tout à ton honneur. Ben, en effet, tu sais. Mais, quand tu passes ta vie, tu sais, à la déstructuration de l'existence, là, c'est sûr que t'as des dommages collatéraux, hein? Tu sais, Tchernobyl, les chambres à gaz, puis Anne-Marie Lozic en sont des très bons exemples, tu sais. C'est... Ben non, mais tu te dis c'était pas supposé, mais on va faire avec. T'sais. Ouais. Dans le métier, on appelle ça des impromptus. Puis je pense que c'est ça. Je me cache en arrière de Meryl Streep, là, mais pour pas faire face à la réalité. T'sais. Mm-hmm. Mes vieux démons remontent, puis moi je fais semblant de rien. C'est assez, c'est fini, Tommy. Je prends la décision là devant vous autres. Hein. Je ne tuerai plus que pour manger. Hein? Comme les chasseurs puis les cannibales. En terminant, parce qu'il faut bien terminer maintenant. T'as-tu informé tes colocs? Parce que le congélateur va être loadé pas mal. Ah oui, ben c'est déjà pas pire, là. Elle fait de la sauce, ça se passe, c'est bon. En terminant, là, je te dirais pas que c'est pas le fun de tuer. Hein? C'est un peu comme si tu me demandais, puis c'est comment GTA 5? Hey, tabarnak. 3 Red Bull, est-ce des nachos, puis un 2 litres de Pepsi. Vide, là, pour aller pisser. Esti de roche, man. M'en tuer des latinos, esti, pis des mafieux musclés. Des missions suicidaires en moto. Hein? Exploser des chefs de gang, c'est ça la vraie vie. Hein? Pour le reste, là, bon, ben, petite dédicace finale, là, cette semaine. Le monde a perdu un grand homme. Hein? Le monde, il a perdu un grand homme. Monsieur Paul Desmarais, ben, ouais, il est mort, tu sais. Pis lundi passé, je te parlais des trous de cul qu'on appelle monsieur, tu sais. Pour le commun des mortels, c'était un homme d'une grande intelligence, là, redoutable, ayant plus que réussi sa vie. Hein. Mais pour ceux qui conspirent dans le plus grand des secrets, il était avant tout celui qui vient des marais. Hmm? Ouais, le monstre. Voilà. Donc, spéciale dédicace à tous les reptiles qui nous écoutent. Hein? Paul has left the building. À bon entendeur, j'ajouterais, « Now, throw your Molotov cocktail on yourself and die. » Merci Mathieu. Ça m'a fait plaisir. J'ai de quoi pour toi. Oui. Ça va te repartir le moral. Là. Si tu sais, c'est l'année Corey Hart. Ben, si je suis au courant, si, me l'ai fait tatouer une place que ma mère veut pas que je monte. Et voilà, donc je vais écouter. On va écouter ma préférée de toutes les tunes de Corey Hart. C'est Originize avec les chevaux. Et puis on revient à 70% pour un autre petit bloc de clip avec Bernard et Phil. Merci. À la vieille à rock en esti, mon gars. Yeah. and our hands are running still. Whispered moments won't cut the chill. When your vision eyes are watching me, avant de passer au prochain clip. Cet homme a 20 ans. Il est footballeur professionnel. C'est l'avant-centre de la sélection nationale de son pays. Il est nerveux, et c'est tout à fait normal. De son tir dépend le résultat de la finale de la Coupe du Monde, et il le sait. sacrée toune, je l'ai eu dans la tête tellement souvent, de tellement de manières différentes. Et puis la première personne que j'ai rencontrée de ma vie qui se rappelait c'était quoi ça aussi, c'était Giz. Fait que ça m'a permis d'aller le rechercher et d'être déçu en la faisant réécouter. Là. Je me rappelle que le dessin animé finissait tout le temps genre 15 minutes avant le 20-27, puis qu'il courait tout le temps après un vieux tape des archives de football. Donc on a un public pas beau ici, c'est comme ça que le clip s'appelle. Ça va nous permettre de transférer vers autre chose. On va aller rejoindre Philippe. Salut Phil. Salut. Puis? Corey Hart, là. C'est bon, hein? C'est mal. Ben non, c'est l'année Corey Hart, man. Ça faisait mal en hostie. C'est l'année Corey Hart. Dis-moi pas ça, là. Ah, c'est pourquoi t'es là, toi, d'abord? Comment? Pourquoi t'es là, là? Tu veux nous présenter ton autre montage? C'est le même. Qui c'est ici qui se rappelle du Pepsi Cristal? N'as-tu qui ont goûté à ça? Ça passe tête. Il y a quelques mémoires qui se... Moi, je pense que j'ai 1993. Une grosse année, ça. Hein? 1993, Snap Rhythm is a Dancer a été la toune de l'année. Mmh. Puis ils ont sorti le Pepsi Cristal. Et... Ça a sorti en 92, ça a fini en 93, ça a duré quelques mois. Et voilà. Ça a duré quelques mois, ça devait être pas super bon. Donc tu nous prépares ton prochain bloc qu'on s'en va voir de clip que tu avais monté pour la calique. Ben c'est ça, puis j'avais mis une petite pub de Pepsi Cristal, puis un tata qui a décidé d'y goûter 20 ans plus tard. Il a goûté 20 ans plus tard. Il a acheté ça sur eBay, imagine. Puis courageusement, il a débouché la bouteille. Il est jamais avec trop tard. Avec une grande joie. Grande joie. Ça devait être tellement bon, là. Puis aussi, parler de téléphone cellulaire. Je vais parler un petit peu de téléphone cellulaire. Puis les hosties tata qui ont leur téléphone de même d'un spectacle de musique. Fait qu'on lance le clip? Ouais, lance-toi là. Il s'appelle Pub, celui-là. Après ça, on va revenir avec Emmanuel qui va nous parler des aventures de Aaron Gallagher. Mais quand son préservatif a déchiré alors qu'il sodomisait une prostituée héroïnomane dans les quartiers malfamés de Montréal, il n'était pas très très rassuré. Je peux l'essayer, maman? On va voir. Oh, s'il te plaît. D'accord, essaie-le. RadioShack présente une nouvelle génération de téléphones cellulaires abordables et réduit les prix de façon spectaculaire. Allô, papa? C'est moi? Autre nouveauté de RadioShack, un téléphone entièrement portatif à un prix qui défie la concurrence. Et c'est quand peu? Dans 15 minutes? RadioShack, le premier nom en technologie cellulaire. Tu appelles ta mère avec ton cellulaire. Tu brasses tes affaires avec ton cellulaire. Tu vas prendre l'air avec ton cellulaire. T'es devenu prospère avec ton cellulaire. T'es sur le crooner avec ton cellulaire. Tu crois que t'es super avec ton cellulaire? Mais est-ce que tu surfes sur ton cellulaire? Voilà comment on l'allume. Là, c'est votre musique. Là, vos mails. Là, c'est Internet. Et ça, c'est un appel sur votre iPhone. C'est un domaine qui génère des avancées technologiques et de plus en plus sophistiquées. Je vais baisser le volume parce que je veux surtout l'image. On est avec Emmanuel pour la suite des aventures de Aaron Gallagher dans l'espace. Ah, okay. C'est beau ici, ça a changé depuis la dernière fois que je suis venu. Ben ouais, hein? Vous avez redécoré, c'est beau. Merci, merci, t'es rendu HD, man. HD. Tu vas finalement être fier de montrer ça à ta mère. HD, c'est plus cool, ça fait tellement la semaine passée, franchement. Ouais, j'avoue, on est tellement 10 septembre. À quand le douteux.tv en 3D? Hologramme. Hologramme, ça va être beau, ça. Olfactorama. Moi, je suis pas mal certain qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Oui, on tient de quoi. On était rendu où? Ça fait longtemps. Hein, ça fait quand même un mois. La dernière fois que je suis venu, ouais, ça doit faire un mois facile. On était rendu qu'il était de face à un fonctionnaire réfractaire qui voulait pas lui donner de renseignements sur Poutrick. Et voilà, et les trois choix qu'on les avait. Les trois choix qu'il avait, c'était soit de continuer à essayer de lui donner un pot de vin, soit de prendre les renseignements par la force ou de revirer de bord puis dire tant pis, merci. Et on a voté pour la violence parce que c'est toujours une réponse acceptable. C'est pas mal gagnant. Hein, Mathieu? Oh, oui, c'est gagnant, la violence, c'est... tout le temps. Voilà. Alors, voilà où nous en sommes. Maintenant, monsieur, je vous demanderai de quitter si vous avez fini de me faire perdre mon... Tenta de terminer le fonctionnaire alors qu'Aaron Gallagher lui fourrait cavalièrement le cookie dans la gueule. J'espère qu'il n'y avait pas de noix d'acamou là-dedans. Je suis allergique, cracha-t-il. J'espère que t'es pas allergique aux jointures parce que je suis sur le point de t'en servir un sandwich. Rétorqua Gallagher. Maintenant, je te suggère de me sortir tout ce que tu as sur Poutrick le Vandal. Nul besoin de me menacer, je vous aurais tout donné si vous l'aviez demandé gentiment, supplia le registraire en pleurnichant. Aaron Gallagher fracassa le crâne du souffreteux sur le comptoir pour la forme avant de saisir le dossier qu'il lui tendait. Il y découvrit plusieurs choses intéressantes. Premièrement, les notes étaient anormalement régulières. Peu de gens réussissent à obtenir de façon constante 70% dans chacun de leurs cours. Ben oui! Ouais! Ouais! Tout la note des délaissés. Tout ceci était, ma foi, fort suspect. Mais ce qui avait particulièrement retenu son attention était l'adresse de résidence. Il connaissait cette adresse parce qu'il l'avait visitée depuis peu. En fait, il s'en rappelait comme si c'était hier. Selon le registre, Poutrick Plum habitait chez sa vieille tante Sonia. Ah. Notre chasseur de primes décida de payer une petite visite à la charmante dame. Cette fois, aucune tasse de thé ne saurait le faire dévier de son objectif, épingler ce dangereux criminel et récolter la prime associée à sa capture. Aaron sortit son incapacitationneur marque déposée et cogna violemment à la porte de l'appartement. Il ignora les salutations polies et passa directement à côté de la mémé médusée pour se diriger vers la porte à l'affiche incongrue. Il défonça la porte d'un coup de pied et pointa son incapacitationneur marque déposée sur l'occupant qui releva des yeux écarquillés de son écran d'ordinateur. « Qu'est-ce que quoi? » s'écria celui qui s'avérait être effectivement le dangereux Poutrick le Vandal. Les mains en l'air, vermine! Poutrick Plum, au nom de l'Agence de justice impériale, je vous arrête pour explosion de cabinet et graffiti haineux. Wow, man! Chillos! J'ai presque rien fait, je le jure! Bredouilla Poutrick. On peut s'arranger, monsieur. Gallagher! Aaron Gallagher! Mais tu peux m'appeler celui qui va te donner à la justice pour une coquette somme. La récompense doit pas être si élevée que ça pour un vandal de bas étage comme moi, mec! Si tu me laisses aller, je peux te donner des renseignements sur ceux qui m'ont engagé pour faire sauter les toilettes de la station. Les frères Blacksauriens, mec! C'est une organisation criminelle. Les terroristes pourraient avoir du gros matos si tu les arrêtais, eux, plutôt que moi. Pensez-y. Que fera Aaron Gallagher? Première option, il arrête Poutrick. Deuxièmement, il écoute les renseignements et laisse aller Poutrick. Ou trois, il prend les infos et arrête putric quand même. Hey, Colin, si bol. Le beurre et l'argent du beurre, hein? Le beurre et l'argent moi, du beurre. Moi, c'est trois. Alors, faites vos choix. Merci, comme d'habitude, on va passer au vote incessamment. Cette semaine, je vais faire un spécial. Si on a 10 votes ou plus, pour chaque vote au-dessus de 10, je vais envoyer une lettre à Radio-Canada pour demander le retour de Bouscotte. Le retour de Bouscotte. Bon choix. Je suis médusé. Bon choix. Hey, là-dessus, on arrive vers la fin de l'émission. Je vais quand même, ici, regarde, tu vois, j'ai mis un beau background. C'est la voix que... J'ai encore de la misère à jouer avec... c'est lui. C'est ça que je voulais vous montrer ici. On est devant Shaq Steel. C'est un film avec l'excellent Shaquille O'Neal. Et ça, c'est sa collègue qui est maintenant handicapée. Vous allez voir, il va la kidnapper. C'est de toute beauté. Non... Toi, ça fait trop longtemps que tu es là. Je veux pas, Johnny. Non! Tu m'entends, Irons? Je ne veux pas sortir d'ici. Écoute, Sparks, tu m'as dit tout à l'heure qu'on a rarement le choix. Heureusement, je suis l'exception qui confirme la règle. Non! Je ne veux pas y aller! Avez-vous remarqué que les gens ils applaudissaient quand ils kidnappaient l'handicapé? Je trouvais ça de toute beauté. On a un petit bout ici d'occupation double et puis on va aller débouler vers la fin de l'émission. Ça fait 3 mois et demi que je suis le batteur maintenant. Un an, un an et demi. 2-3 ans, peut-être. Je sais plus. 10 mois? Vodka soda. Elle n'a pas de calories. Je suis un gars de bière, fait que moi, c'est le temps de bière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvent de la bière, comme un gars. J'aime bien ça, boire de la bière. Un cristal. non, c'est pas vrai. J'aime bien les affaires sucrées. Pas de quoi c'est venu. Pas de quoi trop coloré ou qui fait trop... petite niaiseuse, je veux un abricot printé. Pas ça, mettons. Enfin, c'est quoi cette question? Ça fait 3 semaines. Tu as besoin d'une date précise ou d'une heure aussi? C'était la semaine passée. Avant-hier. Oups, encore, tu sais. Des questions compromettantes, toi. Mon Dieu, ça fait quand même un petit bout. À peut-être 2 semaines et demie. Ça fait environ 3 semaines. Cette semaine? Avant hier. Il voulait pas si longtemps que ça, on va dire les choses comme ça. Un mois? Une vingtaine de jours. Hier? Oh mon Dieu, elle est tellement tapée. Une fille qui est particulière, qui est pas... ça donne bien, je l'ai mal prononcé en plus, là. Un gars qui se prend trop sérieux, là. Oh, non, ça c'est... non, turn off. Quelqu'un qui marche en pingouin. Tu sais, les ceux qui marchent, là, de même, là. Pas capable. Pas capable. Marchez droite, les filles, là. Je vous le dis tout de suite, là. Quelqu'un qui est trop sûr de lui-même. J'aime pas. C'est pas bon, une fille qui sacre, qui se bat, qui fait quoi que ce soit de trop masculin. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Qu'il n'y ait pas de shave, et qu'il ait vraiment une tête laite, là, qu'il soit vraiment pas drôle, qu'il mesure en bas de 6 pieds, là, qu'il soit plate, qu'il ait des tatous vraiment sketch, là, qu'il porte des genres de gilets, tu sais, avec des genres de marques, là, qu'il ait un char blanc, un téléphone blanc, qu'il commande des drinks de filles, qu'il boive de l'alcool de filles, qu'il va être trop de bonhomme sourire par message texte. On va arrêter ça là, hein? Ça commence à faire une pas pire liste. Mais il y a un gars qui m'a demandé si je voulais commettre la mère de ses enfants, mais tu sais, je le connaissais pas, là. Puis j'étais comme, non. J'ai probablement déjà dit à une fille, je t'aime, sans la connaître. Un gars, à la place de me dire que t'as un beau sourire ou quelque chose, t'as vraiment des belles dents. Ton père est-tu voleur? Parce qu'il a volé les deux plus belles étoiles dans le ciel pour les mettre dans tes yeux. Ça a pas marché. Ça marche pas, ça a fini, là, comme ça. Ben, je vais arriver, je vais prendre la glace, je vais aller lancer à terre, je vais la casser, je vais dire maintenant j'ai brisé la glace, je m'appelle Mathieu. Oh, on a manqué ton nom. Je te. OK. Il dit tu t'appelles Julie, mais t'aurais dû t'appeler Jolie, genre. Ça, ça te rend terrible. T'as vraiment des beaux yeux, mais t'as vraiment des beaux seins aussi, mais en regardant là. C'était pas winner. Puis ça a marché. Si tu le sens, baisse la petite boulette, le gain. C'est bon, tu vois. Fait que c'était ça, le 70% d'aujourd'hui. Merci à Bernard, merci à Philippe qui sont venus de Valleyfield pour nous présenter des affaires. On a Giz, on a eu Link, Pokémon. Merci à Mathieu Boudreau, merci à Aaron Gallagher. Merci aux fonctionnaires d'avoir compris qu'on avait une mission à remplir. C'est... Puis merci à Emmanuel. Ça a été un très bon show encore une fois. Vous allez nous retrouver sur YouTube ou ailleurs. Restez en onde parce qu'on va écouter un petit clip d'une madame qui glisse sur du beurre. Puis après, je vais vous parler du visionnement de la semaine. On continue la rétrospective du millénaire avec l'excellent « Comment créer un monstre » qui vient de Cinemax, qui est un petit peu comme un HBO pour les non-intellectuels. Ouais. En tout cas, on a eu un 70%. Merci de nous suivre et faites attention dans les marches d'escalier. C'est pas vrai que je suis un exhibitionniste et je ne me considère pas comme un nudiste. Deuxièmement, je n'ai jamais eu aucune plainte de police depuis les 3 ans que je demeure là. On s'entend? Aucune plainte. Troisièmement, moi, je vous fais un cadeau. Ça, c'est mes petites bobettes. Hop, là, je vous ai fait un cadeau. Pensez-vous que je veux de vos petites bobettes. Puis là, votre femme, elle va vous dire que vous avez des belles fesses là-dedans. Ça garde ça. Puis, vous n'allez vous pas déporter. Hein? Vous allez avoir des belles fesses dans ça. Mais on continue. Puis laissez ça de même. Cachez pas ça. Ben non, mais c'est pas un crime de cacher ça. Non, mais je trouve que c'est pas très télévisuel. C'est pas grave. Ouais. Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. J'ai tellement mal en dedans, j'ai mal. Quand je pense qu'il y a des parents qui enterrent leur enfant, c'est pas humain d'avoir un cancer à l'âge de 8 ans. La vie est cruelle, moi je peux pas comprendre que ça tombe sur des jeunes qui ont jamais rien fait de mal. Trop d'innocents souffrent, c'est pas normal. Ça peut frapper n'importe quand comme un alcoolique au volant. Y'a trop de victimes d'accidents, trop de kids qui partent avant le temps. Je trouve ça dégueulasse. Si Dieu existe, j'espère qu'il entend mon message. Sur terre, y'a trop de drames, trop de mailles qui versent des larmes. Perdre la chair de sa chair, c'est comme perdre notre cœur. Ça peut arriver anytime quand je pense à mes cœurs. Y'a pas de justice sur terre, la maladie peut s'emparer de tout le monde. Tout le monde. C'est triste, mais on peut rien y faire. Je donnerais ma vie pour mes petits si je pouvais les sauver de cet enfer. Hey, Jack Joe, c'est Mario. J'ai le goût d'intervenir dans ta toune. Enfin, tu fais quelque chose qui a de l'allure, qui a du bon sens. Malheureusement, y'en a qui crevent, y'en a qui souffrent, y'en a que leur vie achève. Si vous avez un cœur, faites donc un don au Téléthon, à Fan Soleil. Y'a même G.I. Joe qui a compris ça. Puis vous autres, les enfants, c'est l'avenir. Qu'est-ce que t'en penses, G.I. Quand je pense que ça pourrait être les miens, ça me fait tellement mal. Je serais plus capable de vivre, le cœur arrêterait de me battre. Imagine une seconde ton fils, un lit d'hôpital, en train de lutter pour sa vie pendant que t'es là impuissant. Imagine comment ce monde le sent, avec la peine et la haine dans le sang. Faut être fort pour surmonter une telle épreuve, ça prend un moral d'acier. Moi j'admets ces gens-là, vous êtes forts dans mes pensées. J'envoie le maximum de positif à toute votre famille. En 2013, je souhaite juste de vous en sortir. Y'a personne qui mérite de souffrir comme ça. Faut jamais perdre d'espoir, faut rester fort comme des soldats. Moi je remercie le ciel, mes enfants vont bien. Je suis conscient de la chance que j'ai, j'en souhaite autant à mon prochain. For real, j'en souhaite autant à mon prochain. G.I. Joe, je suis fier de toi, t'as changé d'attitude, t'es mieux qu'avant. T'as écrit ce rap pour montrer que dans le fond, t'es pas méchant. Pis ton personnage, dans cette chanson, tu l'as mis de côté. Enfin, un jour peut-être, le monde va changer. Peut-être grâce à toi, t'as le droit de rêver. Bravo, man. T'as peut-être chié sur moi dans tes autres vidéos. Moi, ça me dérange pas. Je t'haïs pas. J'aime tout le monde. Bravo, man. Continue. C'est positif. Dans cette voix. You find it very hard to keep your dick dry. I left my dick unprotected and it was warped out of shape in no time. I could barely recognise my own dick. Imagine that. Then I discovered Schaefer's New Zealand style dick sealant. The best way to take care of your dick in three easy steps. First, wash your dick with soap and water. Then wait for your dick to dry. Once your dick is clean and dry, paint your dick with Schaefer's dick sealant. I used to be too embarrassed to invite people over to see my dick. But now, my dick's the talk of the town. I even have pictures of my dick. Check out that dick. I want to send this to my secretary. Barbara always loves to receive my dick pics. After all, summertime is all about spending time on your dick. I'll often have 20 to 30 people on my dick at once. That can really wear your dick out, causing dick splinters and discoloration. But with Schaefer's Dick Sealant, my dick stays a nice golden brown colour. Who wouldn't want a golden dick? I used to never let children anywhere near my dick. My dick was too dangerous for cuds to play on. But it seems like every cud in the neighbourhood's been on my dick this summer, and they've all had a good time. My dick's over 70 years old, but it looks brand new. That's part of the reason all my neighbours are jealous of my dick. Wasn't that right, Jim? Yes, you've got a nice dick, okay? His wife is always on my dick, begging me to know the secret of my perfect dick. If you like Schaefer's Dick Sealant, check out Schaefer's New Zealand Style Cock. I had a huge hole in my dick, but I fixed it by jamming some cock in it. You'd be surprised how many things you can fix by jamming cock into them. Have an extra large hole in your dick? Try Schaefer's African Style Cock. Just go to your local home improvement store and ask for the big black cock. Schaefer's New Zealand Style Dick Sealant. Don't put it on your penis. There's also a helpful number on the back. Hi, I've got a question about my dick. Schaefer's New Zealand Style... Hey, get that squirrel off my dick! He knows he's not allowed to come on my dick. Oh oui, on est avec l'excellent « Comment construire un monstre ». On est à comprendre, on va essayer ensemble de comprendre comment construire un monstre. C'est un film qui existe pour vrai, ça date de 2001 et j'en ai épeurément longtemps à dire là-dessus, vous allez voir. Donc, on se souvient à peu près tous, tout le monde, d'avoir vu la pochette de cette... Hey, checkez ça, comment que c'est beau, là. C'est pas du générique de maison de production. On se souvient tous d'avoir vu la pochette. Moi, je l'ai loué. Je me souviens, en l'écoutant la première fois, là, on est en 2001, je me disais, en l'écoutant, que j'étais pour un jour faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire en parler à la TV ou ailleurs pour essayer de comprendre ensemble c'est quoi cette affaire-là. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait 12 ans et puis ça arrive aujourd'hui. Parlant de la pochette, on va régler son cas tout de suite. Sur la pochette, il est écrit en haut « Creature Feature ». Ah ça, en fait, Creature Feature, c'est une tentative de Cinemax, une chaîne câblée américaine, de redonner vie à des classiques de l'horreur du passé des années 50. La première édition, en fait, de ce film-là, « Comment créer un monstre », date des années 50. Ouais, ouais. Je sais pas si ça a vraiment rapport avec ce qu'on va voir dans le film de ce soir. Reste que ça date des années 50, le concept. Ouais, ouais, ouais, ouais. Cinemax, la chaîne américaine câblée, a décidé de redonner vie à 5... Moi, j'en compte 6. Non, il y en a 5 longs-métrages. Et puis, ben, tous ces films-là ont été traduits en français et on a tous souvent vu la pochette. J'avoue que les pochettes sont pas mal toutes semi-frappantes, dans le sens ça a l'air d'être de la qualité. Peut-être que c'est dû au faux vernis vintage que procure la banderole Creature Feature au sommet, qui a l'air un petit peu d'être comme les remixes de George Lucas. En tout cas, on s'en fout. Ça date de l'année 2001, comme je vous ai dit tantôt, et c'était pour l'Halloween. Les 5 autres films qu'il y a eu, ben, les 4 autres, c'est She Creature, Earth vs. The Spider, un autre film très mauvais, The Day the World Ended et Teenage Caveman, un autre film qu'on a failli faire jouer dans notre rétrospective du millénaire. Mais on s'est dit, on peut pas mettre deux films Creature Feature un contre l'autre. Fait qu'à la place, on est allé pour Titanic, le dessin animé, et vous avez voté pour le slasher. Bon choix. Oui, c'est ça. Comme c'est un film à 5 acteurs, à peu près, ils se sont permis d'en prendre des moyens gros. On parle de connu, là, pas de poids. Bug, il y a le schizo mal à l'aise, a été interprété par Jason Marsden. Le gars, il a fait la même année des voix dans Spirited Away de Hayao Miyazaki. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a aussi Cléa Duval. Elle a joué dans l'Oscar. En fait, elle a joué dans Argo, un film qui a gagné un Oscar l'an passé et qui tient le rôle de la stagiaire pure et talentueuse dans le film de ce soir. Vous allez voir, elle a le droit de survivre. Finalement, ça vaut la peine de parler de Tyler Mane. C'est un lutteur canadien. L'année d'avant, il avait joué le rôle de Sabretooth dans la version de X-Men de David Singer, je pense. Et puis, ben, cette année-là, il se ramassait à faire l'espèce de... Je dirais le plus con de tous les programmateurs de l'histoire du cinéma. Ouais, vous allez voir. Oui. Il a aussi tenu le rôle de Michael Myers dans les remakes de Halloween en 2007 et 2009. Ouais, juste des rôles d'intellectuels, vous allez voir. Quant à l'histoire, elle saute de mieux en mieux au visage de l'auditeur attentif depuis le début de mon exposé. Une société de jeux vidéo doit sortir sa nouvelle production qui s'appelle Evolution. Tu sais, Evil et Evolution mélangés. Elle n'a que peu de temps face aux concurrents. Sont alors recrutés trois informaticiens de génie. On a Bug qui s'occupe du son, Sol qui s'occupe de l'intelligence artificielle et Hardcore. Le gars s'appelle Hardcore. Lui, il est à l'imbécilité crade, là, vous allez voir, c'est lui le lutteur. Ces trois pros, à l'aide d'une stagiaire beaucoup plus compétente qu'on ne le croit, créent un jeu vraiment effrayant. C'est alors qu'un court-circuit se produit, l'invraisemblable arrive, le monstre du jeu devient réel. Johnny 5 vivant, it's alive! Ouais, c'est ça. Ça arrive des fois hein, qu'un savant fou il se fait tuer par sa création dans des films. C'est arrivé au moins deux fois. En clair, ce n'est plus un jeu. En fait, ce qui rend le tout vraiment douteux au top, c'est que les trois programmateurs de secours sont appelés en renfort pour patcher un jeu de dur, gore effrayant, une affaire qui fait rire des enfants de 8 ans. Donc, ils arrivent là, puis là, on a 3 semaines, là, ça fait rire des enfants de 8 ans, puis c'est supposé être un jeu épeurant, gore, qui fait peur à tout le monde. Fait que, allez-y les trois, vous avez 3 semaines. Oui, c'est crédible. Jusque-là, c'est crédible. Peut-être ensuite, on rajoute le fait que l'équipe accepte de se faire enfermer. Question de ne pas avoir de choix de respecter le deadline de 3 semaines. Donc, en fait, il y a comme le boss, la stagiaire, les 3 programmateurs décident ensemble de se faire enfermer dans le labo pour pas pouvoir sortir pour travailler fort là-dessus. Ouais, hein? Ça passe rough, tranquillement. Puis surtout quand Hardcore, il apporte sa valise d'armes blanches parce que ça l'aide à réfléchir, qu'il dit. Il apporte son arbalète dans le laboratoire informatique, ouais. Mais là où ça chie totalement, c'est quand le gros boss en veston-cravate promet un bonus de 1 million au meilleur des programmateurs. Ils sont une équipe de 3. Il y en a un qui fait l'audio, l'autre l'intelligence artificielle et l'autre la programmation. 1 million au meilleur. Ouais. Créer une compétition entre 3 gars appelés en renfort pour créer un travail unique, c'est sincèrement, sans niaiser, la moins bonne de toutes les méthodes pour être capable de développer de la motivation au sein d'une équipe et de focusser sur le produit final. Sérieux, là? Ouais. Moi, si j'étais le gars qui voulait le million dans les 3, ben, je travaillerais au minimum, sans rien dire aux autres. Puis je saboterais le travail des autres. Je suis responsable de la programmation. Je peux tout faire et puis dire c'est l'autre qui s'est trompé. Hey. Puis j'aurais été content aussi qu'un des 3 génies, parce que c'est 3 génies, mentionne le simple fait, ben en fait, pense à dire la phrase extrême centriste que je suis. On fait un jeu ensemble, les gars, puis on se partage le bonus, OK? Non, il n'y a personne qui a pensé à ça. Notons au final que le film a été nommé en 2005... pour un Makeup Artist Award and Hair Stylist Guild Award. Il y a une Hair Stylist Guild. C'est ça que j'ai appris dans cette phrase-là. On écoute un film de 2001. Très, très content de vous montrer ça. Ça vieillit super bien. On est avec des acteurs canadiens, puis d'ailleurs, dans un film de George Yuan, qui n'a rien fait d'autre. Rien. Laura, t'es sur quel driver? Oh, je suis juste la stagiaire. Je fais les copies, je nourris les poissons et je range. Un gâteau? Merde, une espionne, tu viens voler notre travail? Non, je suis juste la stagiaire. C'est ça, ouais. Qui t'envoie? Microsoft?